À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qu'ils ne disputent donc point avec toi l'ordre reçu. Et appelle à ton Seigneur, tu es certes sur une voie droite.